Le gros plat, c'était le pot-au-feu. Et sinon, vous mangez des pommes de terre? Des pommes de terre, des lentilles, des pois cassés, enfin des légumes secs. Des nouilles aussi, quoi. Mais surtout les pommes de terre. On récoltait pratiquement, après, quand j'étais plus grand, quoi, on arrivait à récolter 300 kilos de pommes de terre, ça nous faisait pour l'année. On avait une cave dans laquelle on mettait les pommes de terre. Et jusqu'au printemps, on vivait sur cette réserve de pommes de terre. Et vous aviez des mirabelles? Ben, on en achetait parce qu'on n'avait pas du tout de mirabellier. Ni Mais de enfin, pommiers. c'était pratiquement les fruits, on les avait gratuitement parce qu'il y avait les gens qui nous allaient les cueillir sous les arbres, ils en avaient beaucoup. Alors il n'y avait qu'à les ramasser, nous on y allait. Le jeudi, on était de service pour aller cueillir des fruits ou on allait glaner aussi dans les champs de blé. Et avec le blé, on faisait même des plats avec le blé. Ma mère se débrouillait, quoi, avec tout ce qu'on trouvait. Rien n'était perdu, on ramassait tout ce qu'on trouvait, quoi.